Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gamozo 107 FM. Nous sommes le mercredi 30 juin 2021, il est un peu plus de 14h, nous sommes ensemble jusqu'à 15h, nous sommes en direct, donc il est 14h01, même c'est Chris et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de Fréquence Libre dans laquelle je reçois dans nos locaux à Saint-Étienne les Remiremont, Daniel Ndao, président de la Danse Moderne Academy ou DMA, qui est là pour nous parler du trophée Rémi Raymond édition 2021. Donc bonjour Daniel. Bonjour Chris. Comment ça va ? Ça va, merci, et toi ? Ça va bien, merci. On se tutoie ? Oui, avec plaisir. Allez, c'est parti. Donc tout d'abord, avant de réellement commencer cette émission, je tenais à m'excuser auprès de nos auditrices et nos auditeurs pour hier. En effet, comme tous les jours, nos auditrices et auditeurs auraient dû avoir leur édition de Fréquence Libre, sauf que suite à un gros orage, nous avons été coupés de tout pendant une bonne partie de l'après-midi, et donc je n'ai pas pu vous proposer votre édition quotidienne. Cela étant dit, positivons et concentrons-nous sur l'édition d'aujourd'hui. Donc nos auditrices et auditeurs sont habitués, je pose toujours cette même question à chacune et à chacun de mes invités, afin qu'ils et elles puissent déjà te connaître un petit peu. Peux-tu te présenter en quelques mots ? Donc je m'appelle Daniel Ndao, je suis le président fondateur de la Danse Moderne Academy à Remiremont, donc qui existe depuis 2010, voilà. D'accord. Donc c'est une association, la Danse Moderne Academy ? Oui, tout à fait, donc c'est une association loi 1901, donc elle a comme mission principale d'avoir justement un club de danse, donc pour à partir de 5 ans, on organise divers spectacles, donc 4 spectacles par saison habituellement, et un autre spectacle qui est le Trophée Rémi Raymond, qui est celui dont je vais présenter dans quelques instants. D'accord. Et donc, comme tu viens de le rappeler, nous sommes ici pour parler de l'édition 2021 d'un événement que tu organises tous les ans, normalement. Donc le trophée Rémi Raymond, qui se passe, comme le laisse penser le nom du trophée, à Remiremont. Tout à fait. Donc depuis combien de temps ce trophée existe-t-il ? Donc le trophée, il a été la première édition a eu lieu en 2018 si mes souvenirs sont bons, et en termes de spectacle, c'est le seul spectacle qui a pu se faire malgré la situation sanitaire. Donc on a pu faire l'édition 2020 et c'était il y a 7 mois je crois, au mois d'octobre, et là on fait l'édition 2021. Donc au mois d'octobre, c'était un report de l'édition qui devait se passer à l'été 2020. D'accord, et donc la grande finale de cette édition 2021, elle approche à grands pas car elle aura lieu ce samedi, le 3 juillet, à partir de 20h30 au centre culturel Gilles Berzog de Remiremont, si c'est bien ça, je me suis bien renseigné. Exactement, c'est ça. Parfait. Et donc, quand est-ce qu'a débuté cette édition 2021 à la base ? Donc 2021 ? Oui. C'est une bonne question parce qu'en fait, on était en train de suivre l'actualité gouvernementale concernant le déconfinement. Bien sûr. Et on voulait vraiment avoir une vision claire de savoir si ce qu'on avait le droit de faire et ce qu'on n'avait pas le droit de faire. Donc dès qu'on a su qu'on était autorisé à organiser des spectacles à jauge pleine à partir du 30 juin, on s'est dit le dernier week-end du mois de mai qu'on allait pouvoir faire l'édition 2021 du Trophée Rémi Raymond. Donc en un mois, on a pu organiser le casting et la finale, donc vraiment en 4 semaines. Donc je remercie vraiment les bénévoles qui m'accompagnent dans l'organisation de cet événement, les stagiaires qu'on a eu au sein de la Danse Moderne Academy, puis les personnes volontaires en service civique, parce que sans eux on n'aurait pas pu faire vraiment quelque chose en un seul mois. C'est vraiment court, habituellement il nous faut 6 mois pour pouvoir organiser un événement de qualité. Ah oui. Et là vraiment on a vraiment compressé et fait ça vraiment à la dernière minute, que ce soit au niveau des affichages, au niveau de la communication, au niveau de la commande des billets, du trophée, du chèque pour le vainqueur. Donc vraiment, en un mois, c'est vraiment court. Donc je voulais saluer mon équipe qui m'accompagne pour justement la bonne organisation de cet événement. Et donc justement, pour organiser cet événement, combien vous étiez sur le coup à travailler sur le trophée Rémi Raymond édition 2021 ? Alors du coup, il y a moi en tant que responsable d'association, et je délègue beaucoup. Avant, je ne déléguais pas, mais là, depuis des années, j'ai une équipe qui m'accompagne depuis 2015. Donc on s'est apprivoisé, on se fait confiance, donc on peut se donner des responsabilités et des tâches précises. Donc du coup, moi en tant qu'organisateur, j'ai Angélique Vernet, qui est chorégraphe et directrice artistique, donc qui s'occupe de tout le volet artistique et contenu artistique du spectacle. Il y a Sébastien Miotte qui s'occupe de tout ce qui est graphisme et qui sera régisseur général le soir du spectacle. Il y a Nathalie Zemmerman qui s'occupe de tout ce qui est organisation événementielle, donc celle qui s'occupe de la logistique, de réserver les billets de train, de réserver les hôtels pour nos invités, pour réserver les restaurants, faire les courses pour le repas du midi, du soir, le jour de l'événement. Et il y a aussi des stagiaires, donc J'ai eu des stagiaires pendant un mois et demi de Jeanne d'Arc. Donc Andrea et Julien qui nous ont beaucoup aidés pour la recherche de l'eau auprès des commerçants pour offrir à nos candidats. Et j'ai Kenza Tsaidi qui est en service civique au sein de la Danseman Academy. Donc pareil, qu'on a pu déléguer quelques tâches administratives liées à cet événement. J'ai pas compté, je crois que ça fait 7-8 personnes, je crois. C'est vrai que j'ai pas compté non plus, mais ouais. Ça fait déjà un certain nombre. D'ailleurs, Kenza, justement, la service civique qui est arrivée il y a peu de temps au sein de la DMA. Tout à fait, elle est arrivée, je crois, le premier lundi du mois de juin. Donc le 2 juin, le 2 ou 4 juin, je sais plus. Il y a bientôt un mois, du coup. Voilà. Et donc, comme le trophée Rémy Raymond, c'est un concours, il y a des jurés et un jury. Donc, qui sont les jurés pour cette finale? Donc, du coup, ce sera Moussier Tambola, donc, qui est déjà intervenu à l'édition 2018 et 2019, si mes souvenirs sont bons. Voilà, donc, qui est connu parce qu'il a fait le titre Locobitombo, donc, qui a été un succès planétaire en 2010-2011. Bien sûr. Il y a également Maria Apavo, donc, qui est une chanteuse professionnelle depuis 15 ans, qui habite en Alsace et donc qui fait pas mal de concerts en temps normal. Là, elle continue à en faire quelques-uns depuis le déconfinement, donc qui pourra nous apporter son expertise, notamment pour les candidats qui proposent de la chanson. Il y a Camélia Achfari, donc qui est une prof de danse aussi au niveau du conservatoire dans le Nord, donc elle habite à Lille. Et pareil, elle vient, elle fait le déplacement de Lille pour pouvoir assister à ce concours et faire partie du jury. Donc c'est une nouvelle recrue, Camélia Achfari. C'est quelqu'un que j'avais identifié lorsqu'elle a fait un concert live pendant le confinement. D'accord. Dans le groupe Le Coin des Confinés, qui regroupe pas mal de monde et qui a été créé par Romary Montin. Donc du coup, c'est là que je l'ai repéré. Puis je lui ai proposé de venir rejoindre le jury. Elle a tout de suite accepté. Puis elle est impatiente de venir samedi. Et puis la quatrième personne, c'est une surprise. Donc il y aura une surprise. Donc un quatrième membre du jury, donc il sera une surprise. Voilà. D'accord. On n'a pas le droit d'avoir l'exclusivité, nous, à Radio Gamozo. Ah non, non. Okay. Ça sera annoncé en début de soirée du trophée Rémy Raymond. Vraiment au tout début. Je serai là. Voilà. Du coup, durant ce concours, enfin durant cette finale, nous retrouverons également le comité Miss Élégance Lorraine. Oui, c'est le comité Miss Lorraine. Donc Miss Lorraine, c'est pas Miss Élégance, c'est Miss Lorraine, vraiment la délégation régionale de Miss Lorraine pour Miss France. Donc du coup, on remercie sa déléguée Stéphanie Didon qui nous met chaque année à disposition ses Miss pour pouvoir assister au trophée Rémy Raymond et puis récompenser le gagnant. Donc on aura Miss Lorraine 2020, Diane Fevet et Miss ce qui était Miss Coup de cœur, je crois, de l'édition 2020 de la compétition Miss Lorraine, de Mélissa Antoine, donc, qui sera présente aussi. Donc, elle vient chaque année, elle n'a pas pu venir en 2020 par contrainte d'emploi du temps, mais elle vient cette année et c'est toujours un plaisir de l'accueillir parce que quand les Miss viennent au trophée Rémy Raymond, elles s'investissent et elles sont contentes d'être là et elles font vraiment partie intégrante du bon déroulement du spectacle. Et comme justement Diane Fevet, elle est là, que je suis un petit peu l'actualité de la DMA, du trophée Rémy Raymond, et je suis également un de mes amis, c'est également un des anciens participants d'une édition Cosmos, je pense que ça te parle. Oui, l'année dernière. Voilà, et donc il y avait Diane Fevet déjà à l'époque. Oui, tout à fait. Donc Diane Fevet était là à l'édition 2020. Donc il y avait vraiment une bonne, une bonne délégation de Miss à cette édition 2020. Elles étaient 5-6. Et il y avait Diane Fevet qui était là pour une de ses premières venues à Remiremont après sa victoire dans cette même salle du Centre culturel de Remiremont en septembre 2020. Et justement, vu que du coup qui dit finale dit public, et donc il me semble même savoir que le public aura un certain pouvoir de décision sur la note finale. Donc l'année dernière et les éditions précédentes, on accordait 10 points par spectateur pour pouvoir voter pour son candidat préféré, donc de distribuer l'ensemble de ces 10 points soit à un seul candidat, soit à plusieurs candidats. Donc ça, c'était possible. Et là, on s'est vraiment... on a vraiment équilibré entre la notation du jury et la notation du public afin d'avoir un partage de 50% de l'attribution de la note finale. Donc le jury évalue sur un barème de 50 points. Mais là, on va distribuer aussi 50 points au public pour qu'il puisse le distribuer à l'ensemble des candidats, voire à un seul candidat. D'accord. Et du coup, en faisant mes recherches, en préparant cette émission, j'ai eu l'occasion de voir que cette année, ce sont deux disciplines distinctes et égales, pardon, qui seront représentées. Tout à fait. Donc on a eu un succès inattendu au niveau des auditions. On pensait que ça allait être compliqué de réunir le minimum requis pour pouvoir organiser le spectacle, donc qui était de 8 candidats maximum. D'accord. Pour pouvoir maintenir minimum, pardon, pour pouvoir maintenir l'organisation du spectacle. Et on s'est dit les premiers jours comment on va faire, parce qu'il fallait envoyer les vidéos en 15 jours et les premiers jours on n'avait pas de candidature. Et ensuite, à force de communiquer, et aussi grâce au fait que c'est plus facile au niveau des candidats d'envoyer une vidéo que de passer devant une audition en présentiel, eh ben on a eu un succès monumental au niveau des candidatures. On a eu une trentaine de candidatures où on a pu du coup augmenter le nombre de places pour la finale. D'habitude c'était 8 finalistes, là on en a pris 10. Et en termes de répartition, on a eu autant de candidatures de danseurs, autant de chanteurs. Donc on a réparti en prenant 5 danseurs et 5 chanteurs qui pourront ensuite disputer vraiment cette finale samedi. Il me semble justement savoir que le fait qu'il y ait cinq danseurs et 5 chanteurs, enfin danseurs, danseuses, chanteurs, chanteuses, que c'est une première pour le trophée Rémi Raymond. Tout à fait. Avant, c'était beaucoup de danseurs, très peu de chanteurs. Donc c'est pour ça que dans les éditions précédentes, les 3 dernières éditions, ce sont des danseurs qui ont gagné. Et là, c'est vraiment équilibré. Les chanteurs vraiment ont candidaté en masse. Il y a de la qualité. Donc ça va vraiment être une finale très disputée et puis très équilibrée entre les deux arts. On est impatient de voir ça. Donc il est 14h12, avant d'aller plus loin, je te propose de nous lancer tout de suite dans une première fréquence musicale, comme j'aime à l'appeler, dans une première pause musicale que tu as choisie, et que nous écoutions la célèbre chanson Save Your Tears du non moins célèbre chanteur The Weeknd. Pour donner un petit peu les références comme j'aime bien le faire, cette chanson est plutôt typée synth pop, elle est sortie le 9 août 2020 et est tirée du 4e album studio et 6e album au total de The Weeknd, album intitulé After Hours, sorti le 20 mars 2020. Donc on écoute The Weeknd avec son titre Save Your Tears et on se retrouve juste après. Donc à tout de suite sur Radio Gamozo. Falling from your eyes, I don't know why I run away. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo. Vous êtes toujours en direct sur le 107 FM localement ou sur nos applications mobiles et web Radio Line ou Orange Radio et même désormais sur notre nouveau site internet www.radioguemozo.radio-website.com partout en France. Il est 14h presque 17. Vous venez d'écouter The Weeknd avec son célèbre titre Save Your Tears. Comme je le dis toujours, vous nous écoutez peut-être chez vous, au travail ou encore sur la route. Si c'est le cas, évidemment, soyez prudents. Et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux à Saint-Étienne-lès-Remiremont de Daniel Ndao, président de la Danse Moderne Academy ou DMA, qui est là pour nous parler de la DMA, mais plus précisément du trophée Rémy Raymond édition 2021. Ça va toujours ? Oui, ça va toujours, merci Chris. Parfait. Donc nos auditrices et nos auditeurs le savent, j'aime beaucoup poser cette question après une pause musicale. Pourquoi avoir choisi cette chanson de The Weeknd ? Est-ce qu'il y a une raison particulière ? Oui, il y a une raison particulière. Donc, c'est une musique déjà que j'ai, une chanson que j'apprends, que j'apprécie particulièrement personnellement. Je trouve que c'est un artiste de qualité, The Weeknd, et ce qu'il propose aujourd'hui, c'est quelque chose de nouveau par rapport à ce qui sort aux États-Unis. C'est le même problème qu'en France où il n'y a pas de renouvellement. Donc, là, je pense qu'en termes de démarche artistique, c'est vraiment intéressant. Et c'est aussi le thème officiel qui a été choisi par notre équipe pour le trophée Rémy Raymond. Donc, c'est ça qui ouvrira vraiment la soirée en tant que musique d'ambiance pour le trophée Rémy Raymond. D'accord, pour pas qu'il y ait de blanc du coup. Tout à fait, c'est voilà. Ça. Ok. Donc on va reprendre le cours de cette émission. Comme nous le disions depuis le début de cette émission, cette année la finale du trophée Rémy Raymond aura lieu ce samedi le 3 juillet à 20h30 au centre culturel Gilbert Zogue de Remiremont. Et donc qui dit trophée Rémy Raymond dit bien sûr, et comme son nom l'indique, trophée et différents prix, différentes récompenses. Donc quelles sont ces différentes récompenses du coup que les finalistes ou peu importe, enfin pas les finalistes mais les trois premiers par exemple pourront remporter? Et ben, la particularité de cette compétition, de ce trophée Rémy Raymond, déjà on a voulu symboliser ce concours en offrant un trophée, donc un peu dans ce qui se fait dans le sport, un petit peu donc pour faire un petit peu le clin d'œil entre la frontière de la culture et la frontière du monde du sport. Donc c'est pour ça qu'on a appelé ça le trophée Rémy Raymond. Donc le gagnant gagnera vraiment un trophée, donc qui symbolise un petit peu la récompense de cette victoire. Et il gagne tout, donc le gagnant rafle tout. Donc ça veut dire que il gagne le trophée, il gagne l'accompagnement artistique, il gagne le chèque de 200 euros qui permettra de financer son projet artistique. Mais on veut vraiment que l'objectif premier de cette compétition soit de prendre du plaisir dans un premier temps, d'avoir une expérience à la scène et de pouvoir avoir la chance et l'occasion de montrer son talent et son art à travers un public. Donc du coup, c'est vraiment ça les objectifs premiers. On va dire que le gagnant, ça n'a pas d'importance. Bref, il faut avoir quelque chose de plus que les autres pour symboliser justement la soirée et le partage. Mais vraiment, les objectifs premiers sont de prendre du plaisir, de montrer son art devant un public et d'avoir une expérience à la scène. Et de pourquoi pas pour ceux qui ne gagneront, celles et ceux qui ne gagneront pas, peut-être avoir une chance de se faire repérer par quelqu'un d'autre. Complètement. Il y a un jury professionnel, donc c'est leur métier. Donc peut-être que les candidats, ça leur donnera de l'inspiration et des idées pour aussi leur futur projet des jurys et des candidats. Donc moi, personnellement, moi je fais pas partie du jury, déjà, dans un premier temps. Donc il se peut que le gagnant ne soit pas celui que j'aurais choisi. Donc peut-être que moi, j'aurais envie d'accompagner d'autres candidats, comme je l'ai fait l'année dernière, où Pauline Ballant, qui était candidate pour l'édition de 2020, que j'ai apprécié ce qu'elle a fait. Donc aujourd'hui, je l'accompagne vraiment dans une voie à progresser et à pourquoi pas devenir professionnel et de sortir un EP et tous les projets et tout le processus pour pouvoir mener vers un chemin de professionnalisation. D'accord. Donc finalement, pour les perdants, entre guillemets, rien n'est perdu. Ça peut. Tout à fait. Donc voilà. Donc rien n'est perdu. L'accompagnement, il peut être pour tout le monde si on en vit et si on voit que la personne mérite qu'on s'y intéresse de plus près. D'accord. Et donc justement, vu que on parlait du trophée tout à l'heure, par qui a été créé le trophée de cette année ? Bah, c'est par un maître verrier local, donc qui est proche d'une de nos bénévoles, qui nous l'a proposé pour pouvoir concevoir justement ce trophée, et c'est la troisième édition qui nous le conçoit. Et c'est ce qu'on a souhaité, d'avoir une identité particulière pour ce trophée, avoir un trophée unique plutôt que d'aller sur internet et chercher un trophée commun et qu'on commande et qui n'a pas de symbole. Là, on a vraiment voulu favoriser justement le local et d'avoir un artisan qui puisse nous le concevoir et on a été livré, donc on est satisfait. C'est la même réplique que celle des années précédentes, donc on garde vraiment cette authenticité d'avoir ce trophée pour le gagnant. Vraiment avoir un trophée qui correspond du coup au concours. Tout à fait, qui correspond. Après, l'année prochaine, peut-être qu'on aura une volonté d'avoir un design, donc on s'est dit pourquoi pas faire quelque chose de beaucoup plus artistique, quelque chose qui représente un micro par exemple, ou quelque chose qui représente quelque chose qui ressemble à de la danse, donc on y réfléchit. D'accord. Et donc, nous en parlions un petit peu plus tôt avec la crise sanitaire, etc., que nous connaissons toutes et tous depuis plus d'un an et demi désormais. Est-ce que tu n'avais pas la crainte que la finale de cette année passe à la trappe, entre guillemets ? Non, comme je me suis beaucoup inspiré du plan de déconfinement de l'année dernière. Mm-hmm. On était autorisé à organiser à partir du mois de mai. Donc, je me suis dit, si on doit organiser quelque chose, il vaut mieux le prévoir fin juin. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que là, il n'y a plus de restrictions au niveau de l'accueil des publics, sauf les masques en intérieur. Mais on peut accueillir en jauge pleine. Le protocole, il est assoupli. Donc, du coup, je me suis dit, s'il faut faire quelque chose, il vaut mieux le prévoir en fin d'année. En revanche, pour les autres projets qui sont les spectacles de fin de saison pour la danse, mm-hmm. avec les élèves, on savait que ce n'était pas possible de le faire parce qu'on était fermé depuis 7 mois et on n'a pas pu achever les chorégraphies, donc il n'était pas possible de faire un spectacle. Donc on savait dès le départ, en janvier et février, qu'on ne pouvait pas faire de spectacle en fin d'année parce que les chorégraphies n'étaient pas prêtes, quoi. Mm-hmm. Oui, donc il y a quand même le trophée Rémy Raymond qui pourra se tenir. Donc c'est... Tout à fait. Voilà. Comme on peut faire le spectacle avec d'autres candidats que les adhérents à nous, et bah, du coup, on savait qu'on pouvait organiser le trophée Rémy Raymond. Voilà, c'est un peu d'engagement parce que toute mon équipe est mobilisée Bien sûr. Vraiment en mettant du temps et de l'énergie dans l'organisation parce qu'il faut tout penser, il faut les délais sont courts, etc. Mais on a fait le plus gros. Maintenant, il ne reste plus qu'à peaufiner les derniers détails pour pouvoir organiser ce spectacle samedi. D'accord. Et donc, bien sûr, pour les spectateurs, l'entrée n'est pas gratuite, c'est normal. Combien coûtent les billets ? Donc, les billets coûtent 10 euros, donc tarif adulte, donc, et 6 euros pour les tarifs pour les jeunes de moins de 15 ans. D'accord. Et donc, est-ce qu'il est encore possible de se procurer des billets pour cette finale ? Et si oui, où pouvons-nous nous rendre ? Donc, déjà, de chez soi, maintenant, avec la crise sanitaire, on est tous en capacité de faire des choses à la maison. Donc, il y a une billetterie en ligne. Donc, le numérique D'accord. a vraiment pris le pas sur notre quotidien. Donc, sur With Event, sur notre page Facebook de la Danse Moderne Academy, où vous pouvez accéder au lien pour acheter sa place sur With Event. Vous l'imprimez ou vous l'avez sur téléphone portable pour qu'on puisse vous le scanner le jour de la représentation. Et sinon, à notre agence, tous les après-midi de 14h à 18h, dans notre agence à Remiremont, 5 rue des Prêtres, 88-200, Remiremont. D'accord. Maintenant, je te propose de revenir un petit peu aux origines de l'édition 2021 du trophée Rémy Raymond. Comme nous l'avons dit un peu plus tôt, lors de cette finale, il y aura encore 10 participants, 5 danseurs, danseuses et 5 chanteurs, chanteuses. Mais à l'origine, il me semble que tu l'as dit tout à l'heure, mais on peut toujours le répéter si jamais certaines de nos auditrices ou certains de nos auditeurs nous rejoignent seulement maintenant. À l'origine, combien y avait-il de candidats et de candidates ? Eh ben, à l'origine, il y avait, on était toujours sur 8. On gardait 8 pour pouvoir avoir une cohérence et une soirée pas trop longue. Donc on se disait 1h30, 2h de ce spectacle, c'était ce qui suffisait pour pouvoir avoir un bon spectacle et ne pas non plus être dans la longueur et faire traîner les choses et finir à minuit comme on le faisait parfois par des spectacles qu'on ne maîtrisait pas parce qu'on chargeait le programme. Mm-hmm. Donc par le passé, on était à 8. Donc là, comme étant donné qu'on a voulu satisfaire et qu'il était compliqué de départager les candidats, on s'est laissé une souplesse d'en prendre 2 de plus pour pouvoir en avoir 10 et avoir un équilibre entre les danseurs et les chanteurs. D'accord. Et donc, tu l'as dit tout à l'heure, c'est les auditions de cette année, les castings, entre guillemets, des différentes candidates et des différents candidats se sont passés en ligne. C'était, fallait juste que les candidates et les candidats envoient une vidéo CV, entre guillemets, et puis c'est tout. Tout à fait. Donc, du coup, comme il fallait gagner du temps, mm-hmm. on ne pouvait pas organiser un casting comme ça du jour au lendemain en présentiel. Si vous voulez, on n'a pas anticipé le fait qu'on pouvait être autorisé à organiser un spectacle. Donc, du coup, dès qu'on a su qu'on pouvait organiser le trophée Rémy Raymond 2021, on a bloqué la salle et on a dit on le fait à cette date-là, mais on n'avait pas les castings pour pouvoir avoir les candidats. Donc on a réfléchi sous quelle forme on pouvait les faire rapidement. Donc la solution qui a été proposée, c'était par notre régisseur en plus qui a dit pourquoi pas faire en numérique. Donc dès qu'on a acté ce choix-là, on a fait la communication et ensuite les candidats pouvaient envoyer leur vidéo, une petite bio de présentation et leur vidéo pour pouvoir prétendre à ce casting et c'était gratuit. Voilà, ça n'engageait à rien et c'est comme ça qu'on a organisé ce casting et on pense que on le fera tous les ans comme ça on gagne du temps, c'est moins de préparation parce qu'avant il fallait organiser une journée de casting où il fallait se dépatouiller pour pouvoir avoir un planning qui convient à tous les candidats. Des fois, ça n'allait pas avec certains qui travaillaient, qui avaient des impératifs, et, ou des fois que le jour même ne se présentait pas. Donc, il y avait un blanc et un trou dans le planning. Donc, et puis ça mobilisait les agents de la ville pendant une journée complète, ça mobilisait pendant une journée complète. Donc, on pense que la forme du casting en numérique, c'est ce qui fonctionne le mieux. C'est dans l'air du temps, donc on fera cette opération tous les ans, et ça a été un succès, donc on s'en félicite. D'ailleurs, ça n'a pas été trop compliqué de sélectionner, du coup, parce que j'imagine qu'il y a eu beaucoup de participation. Est-ce que ça n'a pas été trop compliqué de sélectionner, du coup, les candidats ? Si, si, ça a été compliqué. Pour certains, non, parce qu'on était d'accord sur ces choix-là. Donc, le comité de présélection dont j'en fais partie, on a débattu. C'est moi qui arbitrais, parce que je suis le président, et puis quand il faut prendre des décisions, et ben, il faut. Voilà, ça engage des responsabilités. Donc. Bien sûr. Ça ne me dérange pas de maturer cette responsabilité. Et mais dans la globalité, et on était d'accord sur les candidats choisis. On voulait vraiment avoir une homogénéité au niveau des propositions, une différence, pas que ce soit redondant ou des artistes se ressemblent. Donc on a vraiment un programme vraiment intéressant. Et ça a duré une heure et demie. On pensait que ça allait en cinq minutes être plié. Et puis en fait, non, il y a vraiment eu des débats intéressants et des vidéos intéressantes qu'on a reçues, dont une candidate qui nous a vraiment épaté. Et je pense que elle se fera remarquer lors de cette soirée. D'accord, donc cette candidate en question, elle sera du coup à la finale ce samedi. Tout à fait. D'accord. Et donc, tu l'as dit tout à l'heure, ce trophée Rémy Raymond, c'est de prendre du plaisir, de s'amuser, etc. Mais est-ce que tu dirais également que c'est un moyen pour les candidates et les candidats de repousser leurs limites et de se lancer un, voire plusieurs défis ? Oui, je pense que vaincre sa timidité, déjà, il faut oser monter sur scène. Même moi, quand je sais que je dois prendre la parole samedi, que je n'ai pas pris la parole depuis 8 mois et que j'ai perdu cette habitude-là, ben, j'ai un petit peu le trac. Donc, du coup, il faut vaincre ce trac-là pour pouvoir monter sur scène et puis proposer de son art, son talent. Donc, il y a ça comme conseil que je donne. Et puis, voilà, il faut prendre du plaisir et surtout se dire que c'est un concours local. Donc, il n'y a pas d'enjeu. On ne joue pas sa vie. Donc, du coup, pour le gagnant ou pour le perdant, ça n'a pas d'importance. Et j'aime bien l'entraide qu'il y a entre les candidats. Lorsqu'on désigne le vainqueur, il se fait féliciter par tous les candidats. Il n'y a pas d'animosité. On prend une photo de la photo de famille. On est tous ensemble vraiment pour kiffer et puis vivre pleinement de sa passion qui est la culture. Où ça nous a tous manqué. On est tous impatients de retrouver les planches samedi. Et puis c'est le premier événement culturel de Rémy Raymond depuis le déconfinement et depuis certains mois. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on était aussi les derniers avant le reconfinement du mois d'octobre. On était le dernier. L'édition 2020 était le dernier avant le reconfinement. Et l'édition 2021 était le premier après le déconfinement. Donc c'est assez symbolique et voilà. Ouais, et surtout, c'est important, comme tu le dis, de préciser qu'il n'y a aucune rivalité entre les candidats et candidates et candidats. Ils sont tous presque, je ne sais pas si on peut dire qu'ils sont amis. Ils vont se découvrir l'un à l'autre, donc ils pourront se conseiller. Ils seront là toute la journée pour partager la journée ensemble et pour participer au filage, pour voir l'organisation d'un spectacle, l'envers du décor, le stress que ça engrange, les préparations, la pression, l'adrénaline, etc. Voilà, c'est une question d'adrénaline. Et pour ceux qui sont faits pour la scène, c'est la bonne adrénaline et du bon stress qu'ils doivent avoir et pas de l'angoisse et de l'anxiété. Sinon, pour moi, ils ne seront pas faits pour être sur scène. J'imagine bien. Donc, il va bientôt être 14h30. Avant de poursuivre à nouveau et d'approfondir encore davantage le sujet, je te propose de nous lancer dans une deuxième fréquence musicale, dans une deuxième pause musicale que tu as choisie une nouvelle fois et que nous écoutions cette fois-ci une chanson que j'apprécie beaucoup également, Love Again, de la chanteuse anglaise Dua Lipa. Comme pour la précédente pause musicale, au niveau des références, cette chanson est toute récente. Elle est sortie en 2021. Elle est plutôt typée pop et elle est tirée du deuxième album studio de Dua Lipa, album intitulé Future Nostalgia. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais vous aurez compris. Donc, est-ce que ça te va qu'on écoute ça ? Oui, avec plaisir. Parfait. Donc, on écoute Dua Lipa et on se retrouve juste après, d'ici un peu plus de 4 minutes quand même. Donc, à tout de suite. Thank you. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo, vous êtes toujours en direct sur le 107FM localement ou sur nos applications mobiles et web Radio Line ou Orange Radio partout en France et même désormais sur notre nouveau site internet www.radiogemozo.radio-website.com/ donc partout en France comme je viens de le dire. Il est 14h35, vous venez d'écouter Dua Lipa avec son titre Love Again et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux à Saint-Étienne-les-Remiremont de Daniel Ndao, président de l'association Danse Moderne Académie ou DMA, qui est là pour nous parler de l'édition 2021 du trophée Rémi Raymond. Est-ce que tu passes un bon moment en notre compagnie, Daniel ? Oui, super, merci Chris. Parfait. Donc, même question que pour la précédente pause musicale, y a-t-il une raison particulière pour laquelle tu as décidé d'écouter ce titre de Dua Lipa, ou est-ce que c'est simplement une chanson que tu aimes bien écouter et qui fait partie de ta playlist du moment ? Donc, c'est les deux, donc c'est une chanson qui fait partie de ma playlist du moment, voilà, et je trouve que c'est une artiste vraiment de qualité, de découverte, donc depuis, je crois, même pas un an ou deux ans, elle a été récompensée par pas mal de récompenses au niveau des États-Unis. C'est l'artiste du moment parce que tout le monde s'arrache pour pouvoir faire une collaboration avec elle, donc j'aime, et puis c'est une artiste multi-ethnique, je crois qu'elle a des origines arméniennes ou autres, etc., donc vraiment, j'aime ce qu'elle propose, et puis elle peut être à la fois une bonne chanteuse de pop et une bonne rappeuse, donc une artiste vraiment polyvalente, donc voilà, j'apprécie. Et surtout que, aussi, comme tu dis, tout le monde se l'arrache, entre guillemets, comme récemment, elle a fait une chanson avec la chanteuse Angèle. Oui, tout à fait, donc un duo avec Angèle, voilà. Voilà, donc côté français pour Angèle et puis côté anglais pour Dua Lipa. Tout à fait. Donc nous allons reprendre cette émission, il nous reste encore du temps. Au trophée Rémi Raymond, est-ce que tu acceptes toutes sortes d'artistes, que ce soit chanteurs, musiciens, danseurs, slameurs ou encore, pourquoi pas, magiciens, ou est-ce que c'est vraiment ciblé chant-danse ? Très très bonne question. Merci. Parce que justement, il y a un débat entre mes collègues qui me demandent d'accepter tous les artistes. Donc moi, je leur dis oui. Pour moi, il faut accepter tous les talents, des vrais talents, donc innés, et du coup des slameurs, des chanteurs, des danseurs, des gymnastes, des humoristes et des acrobates, etc. Mais il y a des magiciens qui candidatent chaque année et que je ne les retiens pas. Et pour moi, la magie, c'est du charlatantisme. Je n'y crois pas et je pense que ce n'est pas un talent, c'est quelque chose qu'on apprend à duper les spectateurs. Donc j'ai du mal avec ça. Donc pour moi, je suis plus dans le talent inné et réaliste que l'illusionnisme. D'accord. Cela dit, le chant et la danse, ça s'apprend aussi. Oui, tout à fait. Mais c'est un talent, un réel talent. C'est pas pour faire de l'illusion. C'est pas. Les magiciens n'ont pas de vrai pouvoir, donc c'est ça qui moi j'ai du mal. Oui. Donc toujours en faisant mes recherches en amont de cette émission, j'ai eu l'occasion de voir, comme on en a parlé tout à l'heure, que le concours s'étend sur une durée quand même assez courte cette année, enfin assez étendue. En effet, les présélections se sont déroulées de manière numérique le samedi 12 juin 2021 et la grande finale aura donc lieu, comme nous le disions depuis le début de cette émission, le samedi 3 juillet 2021, soit sur une durée de à peu près 3 semaines, 1 mois. Donc pourquoi, tu l'as un petit peu dit, mais on va peut-être le répéter, pourquoi avoir fait le choix d'une durée si courte, entre guillemets ? Voilà, donc c'est dû à la crise sanitaire. D'accord. Et les incertitudes liées à ce qu'on a le droit et ce qu'on n'a pas le droit de faire, et vraiment, on s'adapte. Et le point positif de cette crise, c'est que maintenant, on est en capacité d'organiser des choses un mois avant. Donc, on est capable de se préparer, alors qu'avant, on prenait le temps de se donner 6 mois, 4 mois minimum pour pouvoir organiser quelque chose. Maintenant, avec la crise sanitaire, on sait qu'il faut s'adapter. Donc, si on veut proposer des choses, on est capable de mettre de l'énergie pour pouvoir l'organiser, même s'il nous reste un mois à le faire. Et donc, c'est pour ça que ça s'est fait vraiment dans un délai si court entre le casting et la finale. On aurait aimé avoir plus de temps. Après, on se dit vraiment, on met un gros coup d'accélérateur au niveau communication. Là, au niveau de la page dans son académie, je faisais le point avec la responsable de communication pour ce qu'on a à diffuser. On se rend compte qu'on a pas mal de contenu à diffuser, qu'on se demande si on aura le temps de tout mettre. Mm-hmm. Donc, on va accélérer les choses et prévoir 4 publications par jour. Donc, on va vraiment faire une communication intensive d'ici samedi 3 juillet 20h30. D'accord. Donc, du coup, les précédentes éditions, ça se déroulait donc entre 4 et 6 mois, l'aventure en fait. Tout à fait. La préparation, donc on communiquait les castings 4 mois, 6 mois avant, et ensuite la finale 6 mois plus tard. Et ce qui fait la particularité de l'édition 2020, où l'audition avait lieu le samedi 7 mars, de mémoire, je crois, ou 8 mars, c'était un samedi, et la finale s'est passée au mois d'octobre. Donc il y a eu on s'attente des candidats et j'étais satisfait de voir que les candidats n'ont pas abandonné. Donc Cosmos, qui en faisait partie, n'ont pas abandonné et qu'ils étaient là pour la finale malgré le temps d'attente et le long mois qui a eu lieu entre les auditions et la finale et surtout la crise sanitaire qui nous est arrivée de plein fouet. Bien sûr. Donc j'imagine que jouer devant un public quand même assez complet, même malgré les restrictions sanitaires, car on n'en a pas parlé justement, pendant la finale, donc ce samedi, combien il y aura de spectateurs ? Donc on peut, la salle contient 337 places assises, donc on est autorisé à aller jusqu'à la jauge à 100%, mais en général, le Trophée Rémy Raymond, les premières années, on avait 150 à 200 personnes, donc du coup l'édition 2020, on a eu 200 personnes. Ça a bien marché l'édition 2020 en termes de prévente, mieux qu'aujourd'hui. Mm-hmm. Peut-être que le fait que l'incertitude, les gens qui découvrent la liberté et d'autres priorités avant d'aller franchir les lieux de culture, et ben voilà, on a du mal à les toucher. Mais là, on va estimer aussi entre 150 et 200, voire plus, parce que vraiment au niveau des préventes, là, on voit que ça accélère et ça va beaucoup se jouer le jour J. Le spectacle de danse qu'on faisait par le passé, c'était complet. 2 semaines après la mise en vente. Ah oui. Le Trophée Rémy Raymond, c'est habituellement le soir où c'est le plus de vente de billets, donc on ne s'inquiète pas trop. On sait qu'on aura entre 200. Si on a 250, c'est bien parce que ça fera beaucoup de monde, mais on espère que le fait que les gens ont besoin vraiment de se retrouver autour d'un événement culturel et le premier à Rémy Raymond fera que les gens ont envie de sortir et envie de retrouver les lieux culturels qui leur disaient que ça leur manquait pendant le confinement. Mm-hmm. On verra si c'est vraiment la réalité et de soutenir vraiment les associations qui s'accrochent parce que c'était compliqué pendant ces 2 années de crise à faire des choses, à espérer des choses, à imaginer des choses et à faire recettes comme on le faisait par le passé pour pouvoir payer nos projets. Donc on espère que le public sera au rendez-vous et que voilà, on pourra passer une bonne soirée ensemble. Bien sûr, c'est tout ce qu'on souhaite. Et donc, du coup, même si on n'a pas préacheté les billets, est-ce qu'on, du coup, les spectateurs pourront l'acheter sur place le soir même? Tout à fait, voilà. Sur place, il y aura une billetterie, donc on pourra vendre des places comme on l'a fait par les éditions précédentes. D'accord. Et donc, j'imagine que jouer devant un public quand même assez complet, comme tu le dis, 200, 250 personnes ou peut-être plus, toujours en respectant, bien sûr, les contraintes sanitaires, lors de la finale, ça doit être très gratifiant pour les concurrentes et les concurrents. Tout à fait. C'est un public qui est assez réceptif, donc du coup, qui est assez réceptif, qui participe au spectacle. Donc le public fait partie du spectacle. Ils ont une part de responsabilité pour désigner le gagnant. Donc ça, c'est intéressant. On a augmenté aussi le nombre d'huissiers, parce qu'avant, il fallait quelques minutes comptabiliser les points des spectateurs. Donc là, on a augmenté, on a mis 3-4 personnes pour pouvoir comptabiliser les points en temps réel, pour gagner du temps. Et du coup, en termes d'ambiance, le public sait mettre l'ambiance lors du soir de la finale, en encourageant les candidats, en applaudissant lorsqu'on a les candidats sélectionnés. Donc on a vraiment un très très bon public à Remiremont, et c'est vraiment intéressant, et je suis impatient d'entendre vraiment cette foule en direct qu'on a, et cette chair de poule qu'on a à chaque fois qu'on voit un public applaudir, dire, être content, et c'est ce qui fait la particularité du spectacle vivant. Bien sûr. Donc justement, est-ce que tu as déjà eu des retours, voire des remerciements d'anciennes concurrentes ou d'anciens concurrents après avoir vécu cette expérience que certaines ou certains pourraient considérer comme l'expérience d'une vie? Oui, il y a les gagnants de Spinal Zoo de l'édition 2019, où leur coach et un professionnel de la danse, donc lui il les accompagne vraiment à suivre ce chemin-là, et il a réinscrit d'autres de ses danseurs à l'édition de 2021. Donc ils reviennent, mais sous une autre forme. Avant c'était un groupe de 5-6 danseurs, là c'est en duo, donc du coup ils vont être encore candidats pour le trophée Remiremont. Et ce qui va être intéressant, c'est que s'ils gagnent deux fois, ce sera les premiers candidats qui gagneront deux fois sous d'autres propositions et d'autres projets le trophée Remiremont. Et du coup, je pensais à quelqu'un d'autre, mais je ne me rappelle plus, donc j'ai dit Spinal Zoo, et puis je suis en train de réfléchir des finalistes. Et à Clémentine Ropa, qui a gagné l'édition de 2020, qui revient en tant qu'invitée pour l'édition 2021. Voilà, donc elle, on est toujours en contact, donc elle viendra faire une prestation lors de ce spectacle-là en tant qu'invitée de la soirée et ancienne gagnante de l'édition 2020. D'accord. Et donc, justement, peut-être que certaines futures spectatrices ou futurs spectateurs se posent la question, est-ce qu'il y aura un moyen de se restaurer sur place? Alors, c'était aussi un débat de notre équipe, donc encore une bonne question. J'y ai réfléchi, et pour moi, je ne me sens pas en responsabilité d'assumer un public sans masque pour boire un coup, pour manger au sein du centre culturel. On aurait une buvette à l'extérieur, ça ne m'aurait pas dérangé, mais là les démarches administratives sont un peu tard pour pouvoir demander une autorisation municipale. Donc du coup, vu que j'ai pas envie d'avoir une responsabilité là-dedans, j'ai dit masque pour tout le monde en intérieur, c'est catégorique, donc pas de restauration, pas de buvette, pour pas avoir de raison pour enlever son masque. Donc on n'aura pas de buvette pour ces raisons-là, que le public doit garder son masque tout au long de la soirée et tout le temps où ils seront à l'intérieur du centre culturel. Donc la sécurité avant tout. Tout à fait. D'accord. Je te propose une nouvelle fois de revenir un petit peu en arrière à la toute première édition du trophée Rémy Raymond. Qui est-ce qui a eu l'idée à l'origine de ce trophée, de ce concours? Très très bonne question encore une fois. C'est que la personne qui est chargée de communication, que tu connais, Nathalie, est responsable de l'organisation événementielle de ce spectacle. On était en réunion, on a fait un festival en 2017 qui s'appelait Festival de danse, tout simplement, où on avait le vendredi invité Slimane en concert au Palais des Congrès. Le samedi, il y a les spectacles de danse, et le dimanche, un battle de danse. Et du coup, ça a été un succès pour le spectacle de danse. Un peu moins pour Slimane, on attendait plus de monde. On attendait 1200 personnes, on a eu 800 personnes. Et la battle de danse, on a eu pas mal de danseurs, mais en termes de spectateurs, on a eu une cinquantaine de spectateurs à l'espace Le Volontaire. Donc pour nous, on s'est dit, bon, ça coûte cher. Bien sûr. Que comment on pourrait faire bouger les choses, amener une nouvelle animation au niveau de la ville sans que ça coûte énormément. Donc on était en réunion, on réfléchissait à quelle proposition de projet on pouvait avoir, et puis on avait le choix entre organiser un stage avec un professionnel de la danse, donc on avait un contact avec un danseur de Danse avec les Stars, donc d'organiser un spectacle une semaine de stage avec lui, un spectacle faisant venir, et ma collègue dit pourquoi on ne ferait pas un tremplin de talent. Et j'ai dit, ah ouais, ça peut être une bonne idée, on l'a jamais fait, etc. Donc du coup, moi, comme j'aimais me démarquer des autres concours de talent, j'ai dit, eh ben, dans ce cas, on va se démarquer, on va faire un concours de talent esprit sportif avec une récompense trophée. Et en termes d'anecdote, tous les artistes qu'on a fait venir, quand on leur disait que c'était à Remiremont, ils disaient toujours Rémi Raymond, au lieu de dire Remiremont d'un seul mot. Donc j'ai dit, bah, pour rendre hommage à tous ces artistes parisiens et autres artistes qui ne savaient pas prononcer Remiremont correctement, on va l'appeler le trophée Rémi et Raymond, voilà, en hommage à tous nos artistes qui sont venus et qui ne savaient pas prononcer le mot Remiremont en un seul mot. Donc c'est comme ça qu'est né le trophée Rémi Raymond, et que je ne regrette pas, parce que c'est ce qui fait la différence. Et même moi, j'aime, je suis programmateur de spectacle comme métier. Et la frustration, c'est qu'on n'a pas de droit de regard sur l'artistique. Donc l'artiste vient, il fait son truc, terminé quoi. Les lumières, le son, c'est rodé. Donc, alors que là, sur les spectacles au niveau de la danse moderne académique, sur les spectacles de danse qu'on fait, ou le spectacle Trophée Rémi Raymond, c'est nous qui concevons le spectacle, qui montons le spectacle, qui imaginons les lumières, les sorties de scène, les entrées de scène, les moments où il faut meubler, etc. Donc on a un droit de regard sur l'artistique, on a le droit de regard sur la production, donc ça c'est ce qui m'intéresse le plus. Et du coup, c'est pour ça que je prends beaucoup de plaisir à organiser les spectacles avec la danse moderne académique. D'accord. Donc il est 14h47, avant de poursuivre à nouveau, je te propose de nous lancer dans notre troisième et dernière fréquence musicale pardon, que tu as choisie une nouvelle fois, et que nous écoutions Voilà de Barbara Pravi. Une nouvelle fois, pour donner les quelques références, cette chanson est la chanson qui a représenté la France au concours de l'Eurovision 2021, qui nous a valu une deuxième place sur 26 prétendantes au titre quand même, et qui a terminé avec seulement 25 points de retard sur la chanson gagnante Zitti e Buoni de Maneskin, qui représentait l'Italie. C'est une chanson sortie en 2020, une chanson plutôt typée pop une nouvelle fois. Donc on écoute ce morceau de Barbara Pravi et on se retrouve juste après pour la suite et la fin de cette émission. Donc à tout de suite sur Radio Gemozo. Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi. Parlez de moi, à vos amours, à vos amis. Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. J'ai peur, oui, me voilà dans le bruit et dans le silence. Regardez-moi, ou du moins ce qu'il en reste. Regardez-moi, avant que je me déteste. Quoi vous dire que les lèvres d'une autre ne vous diront pas. C'est peu de choses, mais moi, tout ce que j'ai, je le dépose là. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà qui je suis. Me voilà, même si mise à nu c'est fini. C'est ma gueule, c'est mon cri. Me voilà, tant pis. Voilà, voilà, voilà. Voilà juste ici. Moi mon rêve, mon envie. Comme j'en crève, comme j'en ris. Me voilà dans le bruit. Ne partez pas, je vous en supplie, restez longtemps. Ça me sauvera peut-être pas, non. Mais faire sans vous, je sais pas comment. Aimez-moi comme on aime un ami qui s'en va pour toujours. Je veux qu'on m'aime, parce que moi je sais pas bien aimer mes contours. Me voilà. Barbara Pravi avec son titre Voilà sur Radio Gémozo. Nous sommes toujours en direct, vous nous écoutez toujours sur le 107 FM localement ou sur nos applications mobiles et web Radio Line et Orange Radio et même désormais sur notre site internet www.radioguemozo.radio-website.com partout en France. Il est presque 14h52 et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux à Saint-Étienne-lès-Remiremont de Daniel Ndao, président de l'association Danse Moderne Academy ou DMA, qui est là pour nous parler de l'édition 2021 du trophée Rémy Raymond. Tout est toujours bon pour toi ? Oui, nickel, merci Fritz. Parfait. Donc, même question que pour les deux précédentes pauses musicales, tu es habitué désormais, pourquoi avoir choisi cette chanson de Barbara Pravi ? Alors du coup, j'ai mon collègue et ami Jules Collin, organisateur du festival Let's Be Green, donc les 27 et 28 juillet à Remiremont. Donc, avec en tête d'affiche Suzanne et Barbara Pravi, donc notre star nationale qui a fait un bon score à l'Eurovision. Donc, il sera là en tant qu'invité pour donner un concert. Donc, je voulais vraiment montrer et faire écouter justement la qualité et son timbre de voix un petit peu à la Edith Piaf. Donc, voilà pourquoi le choix de cette musique. D'accord. Donc, nous allons reprendre c'est pendant les quelques minutes qui nous restent. Il nous reste un peu, on va dire 5 minutes à peu près. Donc, nous n'en avons pas encore parlé, mais y a-t-il une limite d'âge pour participer au trophée Rémy Raymond ou est-ce que tout le monde est le bienvenu ? Alors, bonne question. Donc là, pareil, il n'y a pas de limite d'âge. La plus jeune à 7 ans, je crois. D'accord. C'est celle qui est qui reste le plus impressionnée. Donc, il n'y a pas de limite d'âge. Donc, une des gagnantes de l'édition 2018, la première, je crois qu'elle avait aussi 9 ans. Donc il n'y a pas de limite d'âge, donc du moment qu'on est en capacité de proposer quelque chose et que l'accord des parents est de rigueur, et bien sûr, on accepte volontiers que les enfants puissent nous montrer leur talent. Et c'est souvent les enfants qui se démarquent, pas parce que c'est des enfants, mais parce qu'ils, en termes de technique et de souplesse, c'est plus facile avec un petit corps, qu'un petit gabarit, qu'en étant adulte. Et donc au niveau, par exemple, on va dire des adultes, est-ce qu'il y a une limite d'âge, est-ce que, ou alors est-ce que par exemple quelqu'un de 70 ans, il peut participer ? Il peut, donc on a déjà eu dans le casting un compteur, donc il y avait un certain âge et on l'a accepté au casting, donc il n'y a pas de limite. Ok. Claude Anoni qui est assez âgé, qui est à la scène aujourd'hui, donc c'est une référence aussi. Bien sûr. Donc est-ce qu'une édition 2022 est d'ores et déjà en réflexion ? Oui, c'est en réflexion, donc on ne sait pas encore celle-là la période, parce que l'édition de 2020 a eu lieu en octobre, et là c'est en juillet. Habituellement, si vous voulez, le 3 et 4 juillet, normalement c'était. Non, le 2 et 3 juillet, pardon, c'était le spectacle de la Danse Moderne Académie de danse. Et quand la finale du Trophée Rémy Raymond devait se dérouler au départ le 29 mai. D'accord. Voilà, donc du coup, on a annulé les spectacles de danse et on a mis le Trophée Rémy Raymond à la place. Donc l'année prochaine, on verra comment le virus évolue, on espère que ça sera terminé et qu'il n'y aura pas de nouvelles vagues et qu'en septembre on puisse faire un agenda qui soit cohérent et qui soit réalisable aussi. Donc si jamais c'est possible, on fera en sorte qu'au mois de mai 2022 on puisse faire le Trophée Rémy Raymond 5e édition. D'accord. Si jamais des auditrices et ou des auditeurs hésitent à se lancer dans l'aventure lors du prochain Trophée Rémy Raymond, qu'est-ce que tu leur dirais, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil ? De ne pas le faire s'ils hésitent. Non, je rigole. D'accord. Non, je rigole. Eh bien, alors, comme conseil, c'est que, en termes d'expérience, ça peut. Il faut un certain temps pour pouvoir être à l'aise sur scène, comme je le disais tout à l'heure. Mm-hmm. Moi qui étais à l'aise sur scène, ça a pris un certain temps et que je ne suis plus aujourd'hui parce que j'ai plus l'habitude d'aller sur scène pour faire un discours officiel, etc. Donc, je ne sais pas comment je vais faire mon discours samedi, mais c'est de l'improvisation. Et en tout cas, c'est en pratiquant, c'est en faisant de la scène qu'on acquiert une expérience, une aisance, une habitude, etc. Donc s'ils veulent, et surtout s'ils veulent vraiment réussir dans ce domaine, ça peut être un loisir de faire de la danse, du chant ou un autre art, mais s'ils veulent progresser, s'ils veulent avoir l'avis d'un expert et d'un jury, eh bien, à un moment donné, il faudra sortir de sa chambre et monter sur scène et montrer son talent, parce que c'est ça le quotidien d'un artiste on ne peut pas être artiste si on joue que pour soi-même, quoi. On est artiste quand on joue devant un public, quand on a la capacité de jouer devant un public. Donc c'est ça la spécificité de la culture et la différence entre la culture et la culture et le sport. Le sport, des matchs à huis clos, ça peut avoir lieu, il n'y a pas de souci, mais un concert à huis clos sans public, c'est pas possible. Oui, c'est sûr. À part si c'est en numérique, mais il n'y a pas vraiment le contact direct avec le public et les applaudissements et la relation et l'alchimie qu'il y a entre la scène et le public. Donc pour moi, c'est les conseils que je peux donner si on veut en faire son métier, et si on veut avoir la vie d'un professionnel, ou si on veut avoir un statut de faire des spectacles locaux, et ben voilà, vous êtes les bienvenus à se trouver Rémi Raymond, qui vous permettra justement d'avoir un avant-goût de ce qu'est la scène. D'accord, donc même si on peut avoir peur, il faut se mettre un petit coup de pied au derrière et puis se lancer. C'est ça. Si les raisons sont qu'on veut vraiment avoir ces objectifs-là. Après, si on a peur vraiment que c'est pas possible, et que je peux comprendre qu'on est timide et que ça procure de l'angoisse et un mal-être, et ben là, c'est la scène, c'est pas fait pour la personne là, pour le moment. Donc il faut un certain temps, une certaine habitude, et il ne faut pas que ça procure un mal-être de monter sur scène. Ça non. D'accord. Nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Où est-ce que nous pouvons retrouver l'avancée de la vie de ton association Danse Moderne Académie ? Donc, très bonne question, parce qu'on est sur tous les réseaux sociaux. Okay. Donc sur Facebook, on est sur Facebook, donc Danse Moderne Académie, on est sur Instagram, on est sur TikTok, on est sur YouTube, on est sur Twitter, on est sur Snapchat. D'accord. Voilà. Avec le podcast de cette émission, qui sera publié dans la semaine, je vais essayer de m'arranger. Je mettrai quelques liens pour retrouver. Très bien. Sur l'affiche, il y a en bas tous les logos de nos réseaux sociaux pour nous suivre. Bah justement, j'ai fait la petite annonce aujourd'hui. Donc, rendez-vous sur la page Radio Guimauzo pour voir l'affiche et pour retrouver tous les réseaux de la Danse Moderne Academy. Est-ce qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas encore abordé mais qui mériterait absolument de l'être ? Eh bien, on a annoncé qu'il y aura 3 surprises d'annoncer au Trophée Rémi Raymond, dont une grosse surprise, pour les candidats surtout. Voilà. Et voilà, on aura des invités surprises. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait Clémentine, mais il y en aura d'autres. Voilà. Et une autre énorme surprise que je peux peut-être le dire aujourd'hui, c'est qu'il y aura une retransmission en direct de l'émission, de la soirée, pardon. Sur Facebook, de la page Facebook dans son académie avec un professionnel. Donc il y aura vraiment une captation live, mais on espère que le public voudra être dans la salle. Mais pour ceux qui ne sont pas encore à l'aise de rentrer dans la salle, etc., ils pourront suivre l'événement en direct sur Facebook, donc pour 5€. D'accord, sur la page Facebook du coup Danse Moderne Académie. Tout à fait, mais je le tiens à dire, c'est que c'est payant malheureusement, parce que ça nous coûte plus de 1000€ pour faire justement cette captation. Oui. Donc il faut qu'on puisse avoir des revenus pour pouvoir payer ces 1100€ de captation. Donc du coup, ce sera 5€ au public pour ceux qui souhaitent regarder l'événement depuis chez soi. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite avant de nous quitter ? Eh ben, qu'on puisse retrouver la Danse Moderne Academy pour tous les acteurs culturels et sportifs et événementiels, retrouver vraiment nos travail qu'on faisait et nos projets qu'on mettait en place, d'avoir des événements accueillants du public. Donc je souhaite qu'on retrouve la vie d'avant en termes de culture, et que ce qui tient très chèrement à notre président, de retrouver notre art de vivre, soit de durer et pas que pendant 2-3 mois et ensuite on retourne sous cloche. Donc on retrouve vraiment notre art de vivre à la française, pour reprendre l'expression de Emmanuel Macron. Donc je souhaite tout ça à mes collègues de la culture, du sport et de l'événementiel. Bah c'est tout ce qu'on leur souhaite également. Donc c'est ainsi que se termine cette édition de Fréquence Libre. Je te remercie une nouvelle fois, Daniel, d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, Chris. Cette émission sera rediffusée demain, jeudi à 18h, avec le podcast de cette émission posté, j'allais dire demain, sur notre page Facebook dans la journée, mais je vais m'arranger avec mes collègues. Et si tu veux, je pourrais même t'envoyer par mail soit cette semaine, soit la semaine prochaine. Voilà, si tu veux la récupérer, la partager. Ça aura plus d'impact cette semaine, parce que le trophée c'est samedi. Ah oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Donc, bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez réagir à cette émission sur notre page Facebook Radio Guimauzo ou en nous appelant au 03 29 62 40 40. Quant à nous, nous nous retrouvons lundi à 14h, toujours en direct, pour une nouvelle édition de Fréquence Libre, dans laquelle je recevrai dans nos locaux à Saint-Étienne-les-Remiremont également Elodie M, référente pour le département des Vosges de l'association TDAH pour une égalité des chances, qui sera là pour nous parler de ce trouble qu'est le TDAH, initial de trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, et pour nous parler du coup de cette association. En attendant, je vous laisse en musique avec soit Nina Simone et son titre Love Me or Leave Me, ou avec The Meters avec leur titre Sissy Strut. Tout dépend de la durée de mon générique, combien de temps je vais le laisser. Et puis on se retrouve lundi à 14h pour une nouvelle édition de Fréquence Libre. Donc merci de votre fidélité à Radio Guimauzo, et je vous dis à lundi. Donc salut et à lundi.